بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله تبارك وتعالى، ونواصل في فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication des belles perles de l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors nous sommes dans le chapitre de Az-Zakat. La Zakat, nous avons déjà vu la définition de la Zakat. Et on va revenir un peu pour voir si vous avez compris certaines parties. On va juste réviser un peu, parce qu'on avait arrêté avant le mois de Ramadan. Toyib. Donc, bismillah, on va ici, on va voir Zakat An-Na'am, des bestiaux. Et premièrement, on a parlé de la zakat. De quoi? Zakat al hayawanat. On a parlé de quoi? La zakat des chameaux. Quel est le nisab concernant la zakat des chameaux? Non? 5 chameaux. C'est ça? Donc 5 chameaux, qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat? Un mouton. Un mouton. Ça va? Toyib. Et c'est jusqu'à combien on change? Non. C'est 5. C'est 5 chameaux ou c'est 4, ils demandent. Non, non, le nisab. C'est 5 chameaux. Jusqu'à 25. Saïnda. Saïd. Donc, c'est jusqu'à 25. Mais jusqu'à 24, on donne combien? Jusqu'à 24, on donne 3. On donne 4 moutons. Non. Jusqu'à 25, c'est 4 moutons. 5. Ensuite, si c'est 6, on donne combien de moutons? 1 mouton. 7. 8. 9. Non. On compte par 5. 8, c'est combien de moutons? 9 chameaux et 10 chameaux, 2 moutons, ainsi de suite. Donc jusqu'à 24, on donne combien de moutons? 4 moutons. Maintenant à 25, qu'est-ce qu'on donne? Bintu Makhad ou Ibn Laboun. Bintu Makhad, une chamelle qui a un an et un mâle qui a deux ans. Et ça, c'est jusqu'à combien? De 25 chameaux jusqu'à combien? Jusqu'à 35 chameaux. C'est ça? Ok. À partir de 36, on donne. Qu'est-ce qu'on donne? Bintu Laboun ou Ibn Laboun? Bintu Laboun. Bintu Laboun, c'est une femelle de 2 ans. C'est ça? C'est de 36 chameaux jusqu'à 45 chameaux. De 36 chameaux jusqu'à 45 chameaux, on donne Bintu Laboun. Une femelle de 2 ans. Toi, maintenant, de 46, puisqu'on a dit là, c'est 45. De 46 jusqu'à 60, c'est ça? Hekatoun. Hekat, c'est quoi? Une femelle de 3 ans. De 61 chameaux jusqu'à 75. Qu'est-ce qu'on donne? Djaza. Djaza, c'est une chamelle de 4 ans. Donc, à partir de 61 jusqu'à 75. Tout le nombre qui est compris entre les deux, c'est Djaza. Voyez? 61, 62, 63 jusqu'à. C'est Djaza. C'est une chamelle de 4 ans. Ensuite, on a dit de 76 jusqu'à 90. Qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat? De 76 chameaux jusqu'à 90 chameaux. Qu'est-ce qu'on donne comme zakat? Bintu Laboun. Bintu Laboun, c'est une chamelle de combien? 2 ans. Donc, tu donnes deux chamelles de 2 ans si tu as des chameaux au nombre de 76 jusqu'à 90. C'est ça? Ensuite, 91 jusqu'à 120. Jusqu'à 120. Hekatan. Hekat, c'est une chamelle de combien d'années? 3 ans. Donc, si tu as des chameaux, de 91 chameaux jusqu'à 120 chameaux, tu dois donner deux hekka, deux chamelles de 3 ans. Maintenant, ce qu'il y a au-dessus maintenant des 120, comment on compte? Là? Chaque 40. Hein? Chaque 40, Bintu Laboun. Bintu Laboun, c'est une chamelle de combien? 2 ans. Donc, c'est-à-dire, si Masalan, la personne, il a 150 chameaux, combien il doit donner? S'il a 150 chameaux, c'est deux chamelles de 3 ans. Deux chamelles de? L'imaza, comment il compte? 40-40. C'est 3. 3 chamelles de 2 ans. Maintenant, ça va dépendre de lui. Il peut compter aussi Fikoul le Khamsina Hekka. Si chaque 50, une chamelle de 3 ans. Mais on a dit ici que le but, c'est Al-Mustawai, ce qui va englober le nombre. Par exemple, celui qui est malin, s'il a 50 chameaux, il va se limiter à compter 40-40 pour donner Bintu Laboun. Bintu Laboun. Ça va? Pourtant, s'il compte 50-50, il va donner combien? C'est pas 2. 3. 150, il va donner 3 hiqqa. N'est-ce pas? Donc maintenant, si le malin, au lieu de donner 3 hiqqa, il va dire non, je compte de l'autre côté. Là, il va donner 3 bint laboun. Lakin ici, on lui dit, tu donnes 3 hiqqa. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a wajib al-musta'ib. C'est ce qui va englober le nombre. Sauf si on n'a pas le choix. C'est compris? Non. Tu peux décider de donner? Comment? Oui, il n'y a pas de problème. Celui qui veut augmenter si sa zakat, la base. Mais ce qui est obligatoire sur toi, c'est ce qu'on vient de te dire. Ça va? Mais celui qui veut augmenter pour donner aux pauvres, là, dans la base. Masalan, quand on va compter zakat sur l'argent, si par exemple ta zakat dans les, comme on peut compter dans les 1 million, ça fait 25 000, généralement dans le compte, comme on va revenir dessus. Si tu veux, tu donnes 40 000. Hada. Ersad. Ça va? La basse. Mais tu ne dois pas descendre au-dessous de 25 000. Ensuite, les vaches. La zakat sur les vaches. Qu'est-ce que nous avons dit? Quel est le nisab des vaches? Quel est le nombre de vaches? Lorsque tu as, tu dois donner zakat obligatoirement. 30? Non. Qui est d'accord? Non? Vous êtes d'accord? Que c'est 30? C'est ce qu'on a vu? C'est 30? Non, la parole du cheikh est claire. Il dit « Wayajibu fi salasina min al-baqar ». C'est 30. Ça va? Tayyib. 30. Qu'est-ce qui est obligatoire de donner? Non? Est-ce que obligatoire, c'est un but qui a un grand compté la première année et la deuxième année? Tayyib, quel est son nom? Quel est le nom de ce bœuf-là? Le bœuf qui a un an et qui va compléter deux ans. On l'appelle? C'est pas Moussine, non, c'est Tabia. Hein? N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu ici. Voilà de l'Bakar al-Ladhi Akmala al-Sana. Il a complété l'année. Wadakala fi Thaniya. Ça va? Maintenant. De 30 à 40, il donne quoi? Tabir. C'est va? J'ai dit de 30 jusqu'à 40. Parce qu'à partir de 40, maintenant, ça change. Suivez. Ça veut dire que vous n'avez pas bossé vos leçons. Non? Vous n'avez pas compris. Le nisab, c'est combien? 30. De 30 à combien on doit donner tabia? Jusqu'à 45? Mais toi, tu as dit combien? D'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas poussé tes leçons. Donc, de 30 à 39. Maintenant, à partir de 40, qu'est-ce qu'on donne? Hein? Moussina. Moussina, c'est quelle vache? Qui a complété les deux ans. C'est ça? Voyez. Non. Maintenant, ici, il a clarifié ici que le cadre, 30-40 dans Zakat al-Baqar. Tabi'a pour 30 jusqu'à 39. Maintenant, à partir de 40, c'est ça? Il donne quoi? Moussina. Maintenant, de 40 jusqu'à 60. 40 jusqu'à 59, c'est Moussina, c'est ça? Mais à partir de 60, qu'est-ce qu'il donne? Vous regardez. Vous regardez. Aïe, ouais. Donc, il donne Tabi'ani ou Tabi'atani. Maintenant, Badi de Sabon, Fira Tabi'a ou Tabi'atun wa Musinna. C'est-à-dire, il mélange les deux. Ça va? Et Samanun 80, Fira Musinnatani wa Hakaza. Il y a deux Musinna, ainsi de suite. Donc, ici, et les buffles. Qu'est-ce qu'on a dit? Les buffles, ceux qui sont bas, les vaches, les buffles. Non? Oui, je demande, il y a la zakat dessus ou pas? C'est le même jugement que les autres. Ça va? Ensuite, les moutons. Le nisab. Pour celui qui a les moutons, le nisab. Quel est le quota pour qu'il donne la zakat? 40 moutons. Jusqu'à combien? Jusqu'à 120. Il doit donner quoi? Un mouton. Ensuite, de 120, 21, jusqu'à 200, il doit donner deux moutons. Ensuite, de 201 jusqu'à 300, il doit donner trois moutons. Maintenant, à partir de 300, si ça va jusqu'à 400, il coule limite à chaque 100, il compte un mouton. Ça va? C'est compris? À chaque 100. Mazalam, s'il a 350 moutons, combien il doit donner? Pourquoi? Pour chaque 100, on donne un mouton. Mais les 50 là, on fait comment? Les 50 là, c'est Aoukhas, c'est ce qu'on a vu. Le nombre qui est le nombre intermédiaire. Tant que ça n'a pas atteint les 100, jusqu'à 400, on donne 3 moutons. C'est compris? Non. Et les moutons ainsi que les chèvres sont dans le même jugement. Maintenant, si tu as 50 moutons, le nisab c'est combien pour les moutons? 40. N'est-ce pas? Si tu as... Si tu as 30 moutons et 10 chèvres, la zakat est obligatoire ou pas? Pourquoi? Tu as 30 moutons. Alors qu'on dit que c'est 40 moutons. Toi, tu as 30. Non? Les deux ont le même jugement. Et aussi, on a vu le jugement de Al-Mujtami' ou Al-Muftariq. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui peut me rappeler? La yujma baina muftariqin wa la yuftaraq baina mujtami'in. Qu'est-ce que on a voulu dire par cela? Non, Abu Fatima. Les deux personnes qui ont mis leurs moutons ensemble. Non. C'est pas permis de les séparer s'il ne veut pas donner la zakat. Par exemple, 40 moutons font le nisab. Et les deux, ils ont mis leurs moutons ensemble et ils avaient 60 moutons. Maintenant, quand la zakat arrive, il décide de les séparer. S'il les sépare, est-ce qu'il y a la zakat sur eux? Donc, halala est juste, c'est pas permis. Tant que les 60 moutons, même si c'est pour deux différentes personnes, les 60 moutons, ils sont ensemble, ils sont élevés ensemble, alors ce n'est pas permis de les séparer. Ça va? Non. Ensuite, on a dit, fala yufarraq. On est, fala yujma, baina muftarikin. Pourquoi? Limada. Fala yujma. Pourquoi on ne rassemble pas aussi entre deux muftarik? Non? Deux moutons rassemblés. Et deux moutons qui ne sont pas rassemblés. On ne les met pas ensemble pour donner la zakat. Pourquoi? Pour diminuer le nombre de moutons à donner. Par exemple, 40 moutons font le nisab. Ça fait un mouton sur 40 moutons. De 40 jusqu'à 120, ça fait un mouton. Moi, j'ai 40, toi, tu as 40. Si moi je dois donner ma zakat, je donne un mouton. Et si toi tu dois donner ta zakat, tu donnes un mouton. Donc, on décide de les mettre ensemble, ça fait 80. Ou bien, s'il y a un autre qui a 40 moutons là-bas, il décide de venir avec lui aussi. Ça fait 120. Dans les 120, on donne combien de moutons? Un mouton. C'est lui qui gagne. Ça, c'est pas permis. Ça va? Et c'est ce que nous avons vu ici. Ok? Et on a dit, voilà, Sheikh Afi Madoun al-Farida. Il n'y a rien en ce qui est, dans ce qui est en dessous du nisab, du quota. Il n'y a rien dans ce qui est en dessous du quota. Ça veut dire les Aoukas, par exemple. Par exemple, si moi j'ai 40 moutons et ça s'augmente, on dit le nisab c'est 40. C'est 41, 42, 60, jusqu'à 100, c'est toujours un mouton. Jusqu'à 120. Maintenant, quand ça dépasse 120 jusqu'à 121, alors il y a plusieurs moutons à donner. Ça va? C'est combien de moutons maintenant? Deux. Le deux en français c'est plusieurs. Ou bien? C'est en arabe, on a Moussana, on a le duel. Hein? Toyib. On a vu aussi les animaux qu'on ne doit pas donner en zakat. Ça va? Donc, pour ne pas trop prendre le temps, nous allons revenir maintenant sur notre bab, notre chapitre. On était sur le chapitre de zakat, al-zahab wal-fidda. La zakat de l'or et de l'argent. L'argent blanc. Ok? Mazakulna, qu'est-ce qu'on a dit concernant l'or? Quel est le nisab? 85 grammes. Pourquoi on a mis à 85 grammes? Hein? C'est la parole du professeur Ali Sallam. Il a dit, c'est normal, c'est 20 dinars. 20 dinars. Et on a calculé 1 dinar. 1 dinar fait combien? 4,25. Et quand on multiplie 4,25 par 20, ça donne combien? Ça donne 85. Donc 85 grammes d'or. Celui qui a 85 grammes d'or doit donner la zakat. Mais tout ça ici, on a dit il a hala alayhi al-hawl. C'est-à-dire si tu gardes de l'argent. Il faut qu'on explique bien. Par exemple, moi j'ai 85 grammes d'or dans le mois de Shawwal. Ça va? Et je n'ai pas touché. Jusqu'au mois de Shawwal prochain, je dois donner la zakat. Ça va? Toyib. Mais s'il arrive que dans le mois de Shawwal, je n'ai pas touché, jusqu'au mois de Ramadan, ou bien le mois de Sha'ban, avant Ramadan, j'ai juste enlevé quelque chose et puis j'ai dépensé. C'est quitté dans le Nisab. Et j'ai cherché encore l'argent. Je suis venu recompléter. Alors je débute mon compte depuis ce Ramadan encore. Où aller? C'est compris? Iza hala alayhi al-hawl. Si l'année passe dessus. Mazalan, ceux qui ont de l'argent en banque. Généralement, c'est des comptes bloqués. Ils ne touchent pas pendant des années. Ils doivent donner la zakat sur cela. Pourquoi? Parce que l'année passe, généralement, si c'est bien. OK? Mais celui qui a son argent avec lui, il a gardé dans sa caisse 2 millions. On sait que 2 millions, ça dépasse le quota. Ça va? 2 millions, ça dépasse le quota. Mais il enlève souvent dans les 2 millions. Et quand il enlève, si ça dépasse pas toujours le... Si ça n'est pas en bas du quota toujours, il a la zakat. Mais si il enlève et que ça descend jusqu'en bas du quota, alors il n'a plus de zakat sur lui jusqu'à ce qu'il complète. S'il a complété, il commence le compte depuis le moment où il a complété. C'est compris? Toyeb. Mais il y a certaines personnes qui sont malins. Non? Là, on compte sur les mois Hijri. On ne compte pas sur les mois grégoriens. C'est compris? On compte sur les mois Hijri. لأن هذا من شريعة الله ولا يعد من شريعة الله إلا شهور الإسلام. On ne considère que les mois de l'islam pour compter. OK? De janvier à janvier, ça ne passe pas. De février à février, ça ne passe pas. Mais plutôt, de Shawwal à Shawwal, ou bien de Ramadan à Ramadan, ou bien de Safar à Safar, ainsi de suite. OK, c'est compris? Non. Donc ici, Ishruna Dinar, c'est ce qui est le nisab de Azahab, de l'or, c'est ça? Et on a calculé, ça va jusqu'à 85 grammes. 85 grammes d'or. Maintenant, quel est le miqdar al-wajib dans les 85 grammes d'or? Quel est le miqdar? 2,5. Comment tu as trouvé ça? 2,5. Comment tu as trouvé les 2,5? Naam, Abou Fatima. Le quart du dixième, barakallahu fik. Le quart du dixième. C'est-à-dire si j'ai 85 grammes, je divise par 10 d'abord. OK? Le résultat que ça me donne 8,5. Les 8,5, je divise par 4. Ça me donne 2,125. Mais on arrondit toujours à 2,5. Ça va? OK? C'est ce qui est Roubou al-Ushr. C'est-à-dire le quart du dixième. Dixième, c'est quoi? Dixième du Nisab, tu divises par 10. Ensuite, si tu trouves un résultat, tu divises maintenant par... Par combien? Par 4. Maintenant, la méthode la plus facile pour calculer... Tu prends le nisab, au lieu de diviser par 10 et ensuite par 4, tu divises par 40. Ça donne le même résultat. Tu divises par 40. OK? OK. Donc voici la zakat sur l'or. Et nous avons dit ici les ornements, c'est-à-dire les bracelets en or des femmes. Ou les chaînes en or. Hein? ou bien en argent. Il y a la zakat dessus ou il n'y a pas la zakat? Il n'y a pas la zakat. Les adami? Les adami dalil, parce qu'il n'y a pas de preuve. Le hadith sur lequel ils se sont basés, c'est le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu sur la main de la fille d'une femme le bracelet en or et lui a demandé, est-ce que tu donnes la zakat de cela? Elle a dit non. Il a dit, est-ce que ça va te faire plaisir que Allah porte des bracelets en feu le jour de Yom al-Qiyamah sur sa main? Ainsi de suite. Alors ce hadith est daif. C'est faible. Ça va? Donc il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qui interdit de donner la zakat en holi, en ornement, et il n'y a pas de preuve qui vient aussi confirmer. Donc ça reste quoi? Le asr, l'autorisation de ne pas donner la zakat. Ok? Ensuite, on a dit le zakat, la zakat du fidda. La zakat du fidda, c'est quoi? De l'argent. C'est-à-dire le nisab, le quota de l'argent. L'argent blanc. Non? C'est 210 dirham. Ok. Toi, le dirham, on a évalué à combien? Le dirham, on a évalué à 2,985 grammes. Donc, si on multiplie par 200, ça donne combien? Ça donne combien pour le quota? 595 grammes. Ok? Donc, 595 grammes, c'est ce qui est le quota de l'argent blanc. Ça va? Et il s'agit de celui pour l'or. Il s'agit de celui qui a gardé de l'or pendant un an. Ok? Et il s'agit aussi de celui qui a gardé l'argent blanc pendant un an. Mais ça ne doit pas rentrer dans les ornements. C'est-à-dire ce qu'on porte. Si c'est ce qu'on porte, il n'y a pas de zakat dessus. Ok? Mais si c'est quelque chose qu'on garde comme ça et puis après, on va l'utiliser, on garde comme un bien. Parce que à l'époque, les Arabes, l'or était un bien, même aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui veut, il y a des gens, par exemple, au lieu de garder leur argent en banque, ils préfèrent aller acheter de l'or pour garder. Ça va? Et souvent, lorsque le prix gonfle, ils vont se faire de l'argent. Ils vont acheter, ils vont vendre. Ça va? Et ils récupèrent leur argent. Il y a certaines personnes comme ça. Ça va? Et ça, c'est peut-être mieux que d'aller garder dans l'endroit où on met beaucoup de riba dessus. Ça va? Alors, nous avons la compréhension. Donc, celui qui garde comme ça, comme c'est bien, ça va? Comme on vient de le dire, lorsque l'année passe dessus, c'est celui-là qui doit donner la zakat. Mais si c'est de l'ornement seulement, ce que la personne porte, si c'est une femme, l'or, en termes d'ornement, c'est interdit pour l'homme. Et pour la femme, c'est permis. Ok? Elle peut porter. Non. Donc, l'argent. Le nisab, c'est 595 grammes. Donc, 595 grammes, comment on calcule la zakat qu'on doit donner dessus? Comment on calcule? Hein? On divise par 40. Car c'est le même robot l'osho. C'est le même robot à l'osho. Ça va? Si tu divises par 40, ça donne combien? 14,875 grammes que tu dois donner en zakat. Ça va? Non. C'est ce qu'il y a le robot à l'osho. C'est compris? Aujourd'hui, on va parler de la zakat comme nisab al-awraq al-naqdiyya. Quel est le nisab de al-awraq? C'est le billet de waraq, c'est le papier al-naqdiyya, l'argent. L'argent en billet, c'est-à-dire le franc CFA, dollar, euro, ainsi de suite. Ça va? Quel est leur nisab? Car Nakisu, la majorité des savants, ils pèsent les awraq sur l'or. Pourquoi? Parce que c'est l'or qui était utilisé à l'époque comme monnaie d'échange, c'est-à-dire l'argent. On prenait ça pour acheter ce qu'on voulait. Donc, c'est ce qui était utilisé généralement. Ça va? Lorsqu'on dit dinar, c'est de l'or. Ça va? À l'époque du prophète Sallam, c'est de l'or. Toyib. Donc, ils font l'analogie sur l'or. Mais d'autres aussi disent que l'argent blanc rentre dedans. On peut prendre le nisab de l'argent blanc comme on peut prendre le nisab de l'or. Lakin natakallam hawla hadha. Inch'Allah. Ok? D'abord, ikhtalafa ahlul ilm fi nisabiha. Les savants se sont divergés au sujet du nisab de l'argent, c'est-à-dire les papiers, les billets. Ça va? Hal huwa nisab zahab? Est-ce que c'est le quota de l'or qu'on prend pour évaluer au nisab al-fitta, ou bien le quota de l'argent blanc? Au yukhad bi a'la nisabayn, ou bien on prend ce qui est le plus élevé des deux nisab. Il n'y a pas de doute que si on se base sur le nisab, sur le quota de l'argent, alors beaucoup de personnes vont donner la zakat. Parce que c'est moins. Mais le nisab de l'or, c'est plus. Vous comprenez? On va revenir dessus ici. Je vais vous montrer le nisab de l'argent blanc. Et ensuite, je vais vous montrer le nisab de l'or. Vous allez comprendre. Biznillah. Ici, les savants se divergent. D'autres disent, on prend le nisab, le quota de l'or, et on évalue. Si on prend par exemple le quota de l'or, c'est pas 25 grammes. On cherche à savoir le gramme coûte à combien en Côte d'Ivoire sur le marché. Si moi ça lance sur le marché, par exemple, actuellement sur le marché, je vais vous donner pour que vous voyez. Le gramme de l'or, il y a trois qualités qui donnent. Ça va? Mais on prend le plus petit de la parole des savants. Il y a l'or qui est 21 carats, dont le gramme coûte à 41 000. Il y a ce qui est aussi 18 carats, dont le gramme coûte à 34 000 actuellement. Il y a aussi le gramme de 17 carats, dont le l'or de 17 carats, dont le gramme coûte à 17 000. Lakin yukhaz al-adna. On prend ce qui est adna limada, car c'est ce qui est le moindre dans l'or. C'est compris? Kulluha, c'est de l'or. Mais c'est les gens qui évaluent aujourd'hui la qualité. Vous comprenez? Sinon, à l'époque, c'est le même or. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, si on va sur 17 000, le gramme, multiplier cela par 85. Un gramme. On a 85 grammes. N'est-ce pas? Vous trouvez combien? 1 400 000. Ça va jusqu'à cela. Mais souvent, quand le prix, il est élevé, le prix de l'or est élevé. Ça va? Mais souvent, le prix de l'or descend. Ça va? Généralement, dans beaucoup de pays, ils comptent sur le zahab. Voilà pourquoi souvent vous voyez 400 000, le quota de la zakat. Souvent vous voyez 500 000, le quota de la zakat. Généralement, ce n'est pas compté sur l'or. Vous comprenez? C'est compté sur l'argent. Bon, certains savants disent, ici vous avez trouvé combien? 1 million 400 et quelques. Si on veut compter sur l'or, et selon le prix du gramme de l'or qui se trouve sur le marché. Et ça peut diverger d'un pays à un autre. Pourquoi? Parce que l'or peut coûter ici d'un prix et coûter à un autre pays d'un autre prix. C'est compris? Bon, ici, Masalan, sur l'argent, l'argent blanc. Le gramme de l'argent blanc, un gramme, c'est 587 francs CFA. 587 francs CFA. Un gramme, l'argent blanc. Maintenant, en euros, c'est 1 euro et plus. OK? Multipliez cela 587 francs CFA. C'est un exemple que je vous donne. Sinon, ça peut être souvent, ça monte, ça descend. OK? Voyez, ici, 587 francs multiplié par 595. Parce que c'est ça le quota. Ça fait combien? 349 000. Donc, si on se base sur le quota de l'argent blanc, à partir de 300 000 ou bien 400 000, la personne doit donner la zakat. Vous comprenez? Lakin, pourquoi les savants se sont divergés? Car certains d'entre eux disent يُنْخَذُ بِنِصَابِ الْفِضَّةِ, on prend le quota de l'argent blanc, فَقَالُ وَأَرْفَقُ لِلْفَقِيرِ, parce que c'est plus facile qu'on donne aux pauvres. وَأَنْفَعُ لَا, et c'est plus bénéfique. فَنَعْتَبِرُ مَصْلَحَةَ الْفَقِيرِ, on considère l'intérêt du pauvre. Parce que si on dit le nisab de azab, beaucoup de personnes ne pourront pas donner la zakat. Mais si on considère le quota de l'argent blanc, c'est qu'il y a beaucoup qui peuvent donner. Même les soros là, ils peuvent donner. Hein? Vous tous. Les nouveaux riches. Aïwa. Donc cet homme est déjà confirmé. C'est un pétrolier. Si tu finis là, vous me faites plein. Qu'Allah facilite. Donc, vous comprenez? Donc, ils disent que parce que c'est plus facile pour qu'on puisse sortir la zakat pour donner au. Parce que les pauvres en profitent si on se base sur. Voilà, c'est-à-dire le quota de l'argent blanc. Vous comprenez? Toyim. بخلاف لو أخذوا بالأعلى, s'ils avaient pris le plus élevé, فإنها لن تجب الزكاة إلا عند من اجتمع عنده النصاب الأعلى. La zakat ne sera obligatoire sauf sur celui dont le nisab le plus élevé est rassemblé chez lui, qui est l'or. Ça va? Les akhalu, c'est pour cela qu'ils disent que wa anfa'u lil faqir, c'est plus bénéfique pour le pauvre. Wa bina'an ala anna al-awraq an-naqdiyya, et le chèque dit, si on se base pour dire que les awraq an-naqdiyya ghayr muqaddat min dhahab wal fidda, ça n'englobe pas les deux, c'est-à-dire c'est pas les mêmes choses, mais c'est les mêmes choses. Ça va? Wa amma alladhina qalu yukhadh bi nisab adh-dhahab, quant à ceux qui disent qu'on prend le quota de l'or, فَقَالُوا وَالْأَصْلُ فِي التَّعَامُلِ, car c'est la base dans les interactions. Depuis l'époque du prophète sallam, c'est la base. وَهُوَ غِطَاءُ النُّقُودِ, et c'est même la couverture des nukoud aujourd'hui. Dans les pays arabes, par exemple, on met de l'or. Pour montrer que ça a remplacé l'or. On voit Assas. Et c'est la base Takdir Diyat. De Yani Takdir. De comment compter les Diyat. Diyat, c'est l'argent qu'on prend de celui qui a tué quelqu'un. Le prix du sang. Ça va? Le prix du sang, on compte sur l'or. Ok? Donc voilà pourquoi ils disent que c'est l'or qui est la base. Le cheikh Ali Ramli dit Walladi yatarajjah indi. Ce qui est prépondérant chez moi, annahu nisab zahab. C'est le nisab de l'or, c'est le quota de l'or. Li anna al-asl bara'at zimma. Il dit parce que la base c'est bara'at zimma. Bara'at zimma, c'est-à-dire c'est d'être kefaqul fi franziya. Se décharger, voilà. Se décharger. Masalan, si on dit c'est al-fidda, alors que c'est l'or, qu'est-ce qui va arriver? C'est un problème. Parce que la personne n'aura pas donné la zakat complète de son argent. N'est-ce pas? Mais si on dit c'est l'or, l'argent blanc, le nombre de, le quota de l'argent blanc va rentrer dans l'or. Voilà pourquoi il a dit Al-Bara'atu Zimma. Il dit voilà, on ne peut pas an-nahkuma bil ijab, juger l'obligation fi ma huwa adina, dans ce qui est moins. Ma huwa, walakin ma huwa a'la, mais ce qui est plus, istayqanna, nous sommes dans la certitude anna fi zaka, qui est la zakat dina. Fatabqa bara'atu zimma, alors la personne est déchargée. Ce baratu zimma mustahabatun hatta yati dalil wahid. Ça va accompagner la personne jusqu'à ce qu'une preuve claire vient montrer que on peut aller sur ce qui est moins. Ça va? Donc fala nahmilu al-umur ala ma huwa mashkur fi. On va pas porter les choses sur ce qui est douteux. Bal ala mastaqadna minhu. On va aller sur ce qui est la certitude fa innahu aula, car c'est ce qui est le plus bon. Ensuite, la valeur de l'or est sabit, est venue clairement dans les hadiths. Et c'est la base dans les interactions, dans les ventes, dans les achats, c'est la base, l'or. C'est pour cela que nous avons trouvé prépondérant cette parole. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Il dit voilà pour les hal, non? Al-Fidda. Non. Non, voilà pour les hal, Amrun Mokhtalafoun. C'est quelque chose dont il y a divergence. Hatta j'ai vu la parole du Cheikh Salah al-Fawzan, Hafizahullah, Baqiyat al-Salaf. Il a dit, il a qu'un al-ma'l ou khali. Si tu as peu d'argent, tu calcules vite d'or. Mais il a qu'un milliardat. Il dit, mais si c'est beaucoup d'argent, tu calcules zahab. Cheikh Salah al-Fawzan, donc lui, il t'a donné une solution. Ça va? Si c'est par exemple l'Abdelaziz là, il calcule ça. Ou bien? Et puis tu es venu en retard. D'accord, après on va régler ça. Non. Donc le Cheikh Salah al-Fawzan, il a dit cela. Hein? Mais j'ai vu une parole du Cheikh Hisham al-Tahiri qui a dit. الأوراق النقدية لأوراق النقدية أصولها leur base, c'est-à-dire les billets, leur base c'est l'or. Hata souvent on prend l'équivalent. Lorsque tu vas, tu déposes de l'or en banque, souvent on ne te retourne pas en or, on équivalent et puis on te retourne en argent, parce que c'est la base dans les ta'amul. Est-ce que vous comprenez? Donc ici maintenant le cheikh qui dit wala kullin, on va terminer avec cela. Fal awraq naqdiyya wa ahkamuha, les biais ainsi que le jugement, sawa kana fi riba, si c'est dans la riba ou bien kana fi zakat ou bien dans la zakat, fiha bahthun tayyibun nafisun. Il dit il y a une recherche qui est très bénéfique et précieuse que Hay'at al-Kibar al-Ulama, le comité des grands savants, ils ont fait fi kitab dans un livre, ils ont écrit cela, bahas wa hadha al-amr, ils ont fait des recherches et ils ont mentionné les paroles des savants fi wa naqashuhu, et ils ont discuté ces paroles là niqash an tawila, de manière longue. Hatta wasalu fihi ila an al-awraq an-naqdiyya, et le résultat, ils disent que les billets yadkhulu alladhi yadkhulu ar-riba wa fi az-zakat kadhalik, ce dont la riba rentre dedans, alors il y a la zakat dedans, alors que ce dont la riba rentre dedans, c'est l'or généralement. Est-ce que vous comprenez? Il est wa huwa sahih insha Allah, et c'est le plus authentique. Wa ghaliban takunu al-abhas al-jami'iyya adaq wa aqwa. Il dit généralement les recherches que font les universités sont plus précises et plus fortes en termes de preuves. Wa in kana la yalzam an yurajjihu sawab daiman. Même si on pense que c'est pas à chaque fois ils vont rendre prépondérant ce qui est correct. Li'anna al-hujja fi al-ijma' la fi al-kasra. Parce que la preuve se trouve dans le ijma. C'est-à-dire le consensus par le nombre. Summa inna hadhihi al-abhas, ensuite ces recherches-là, qamat ba'da istisharatin khabara, c'est-à-dire ça a été mis après la consultation des savants, c'est-à-dire de ceux qui connaissent fil amwali wal awraq, qui connaissent les biens et les biais. Summa nazaru fi adillati shar'iyya, ensuite ils ont regardé dans les preuves de la shar'iyya, wastakhraju al ahkamina, et ils ont retiré maintenant les preuves de cela, les jugements. Par exemple, dans les bars, ils vont aller voir ceux qui connaissent l'argent, ceux qui connaissent les biens, l'or et tout ça. Et ensuite, maintenant, selon les hadiths de la sharia, ils vont mettre les deux ensemble et ils vont faire sortir un jugement. Et ce qu'ils ont dit, c'est sur l'or on se base. C'est ce qui est correct. Voyez. Maintenant, comment calculer cela? Comment calculer? On va terminer avec ça. Par exemple, celui qui a 2 millions. On sait que 2 millions, ça dépasse déjà. Hein? Ça dépasse déjà le nisab, c'est ça? Ok. Bon, disons 2 350 000. Calculez. Celui qui a 2 350 000 francs CFA. On parle en francs CFA. Il ne faudrait pas que ceux qui nous écoutent, qui utilisent euros, disent qu'on a dit 2 millions d'euros. Ok, 2 millions en francs CFA. Ok, 2 350 000. Comment on calcule la zakat dessus? Soit on divise par 40, ou bien soit on divise par 10, et ensuite on divise par 4. Si on divise par 40, ça donne combien? 58 000. Donc, tu dois donner 58 750. Ça va? En zakat. Hein? Non, c'est pas beaucoup. C'est petit. C'est parce que tu n'as pas l'argent dans ta poche. Sinon, ceux qui ont l'argent, là, souvent, ils réfléchissent plusieurs fois avant d'enlever. Souvent, si tu as plus de 100 millions, ça fait combien? Quelqu'un qui a 100 millions de francs CFA, ça fait combien? Il donne combien à zakat? 2 500 000. C'est beaucoup. Donc quand il réfléchit, il sait qu'il peut aller payer un terrain avec ça. Il peut aller faire quelque chose. Donc souvent c'est difficile. Voilà qu'il a zakat taharatun lil mal. Comme elle a dit, khuz min amwalihim sadaqatan. Tu les purifies avec cela. Les zakat purifient. Voyez. Donc, dans l'assise prochaine, On va parler de Azakati Amoral Tijar. Les expositions commerciales. Ceux qui vendent par exemple les boutiques, ceux qui ont des magasins, ceux qui ont des marchandises. Est-ce qu'on doit faire la zakat dessus? Est-ce qu'on ne doit pas faire la zakat? Il y a vraiment une divergence. À Zahiriya, ils disent qu'il n'y a pas de zakat. L'auteur du livre, qui est Imam Shawkani, dit qu'il n'y a pas de zakat. C'est Urud, Arud Tijar. C'est-à-dire les expositions commerciales. Ce que tu exposes pour faire le commerce, ils disent qu'il n'y a pas de zakat dessus. Ça va? Maintenant, d'autres disent qu'il y a zakat. Inch'Allah, on va voir comment calculer cela. S'il y a la zakat, s'il n'y a pas de zakat aussi, on dira qu'il n'y a pas de zakat. On va, biznillah, se baser sur la parole qui est prépondérante. Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته